Ok, alors les concepts, alors je vérifie par qui on devait enchaîner. Eh bien, Morgane, tu allais nous parler comment du lâcher prise et ce que j'appellerais, alors détrompe-moi hein, si c'est pas le bon terme, un petit peu les temps de récréation ou la culpabilité de ne pas suivre ces deadlines. C'est ça. En fait, c'est il faut la l'inintérêt, voire parfois la, comment dire, c'est contre-productif en fait de s'en vouloir parce qu'on ne respecte pas le cadre qu'on s'est fixé. Tu disais tout à l'heure qu'effectivement, quand on parlait de lâcher prise, enfin, on parlait pas vraiment de lâcher prise au sens où tu l'entendais, mais on parlait de moments où justement on laisse un peu flotter le processus créatif, où on se laisse un peu aller à autre chose. Et en fait, ce que j'entends aussi par lâcher prise, c'est lâcher prise vis-à-vis des ambitions qu'on a pour soi ou des ambitions qu'on perçoit chez les autres et qui font aussi, je pense, partie intégrante d'une part de culpabilité qu'on peut avoir quand on fait autre chose. C'est-à-dire le fait qu'on s'en veuille parce qu'on s'était dit, OK, aujourd'hui je finis ça et puis on le fait pas. Et du coup, on s'en veut parce que on avait, voilà, l'ambition pour soi d'aboutir à un truc et finalement on l'a pas fait. Et soit ça nous booste, soit ça nous démonte en fait. Bah du coup, tu pourras peut-être réagir là-dessus, mais c'est quelque chose que j'ai compris en sortant de classe prépa, parce que moi aussi j'ai fait une classe prépa. Et en fait, je me suis rendu compte que la classe prépa te faisait absolument culpabiliser. Quand tu ne travaillais pas, quand tu n'étais pas productif, moi j'ai fait une classe prépa option cinéma, donc en plus du travail habituel de révision, de dissertation, de je sais pas quoi, j'avais aussi plein de films à voir, toute une filmographie à faire, et donc si je prenais Ah une mince, j'aurais dû faire ta classe prépa, parce que la mienne, j'allais au cinéma, mais ça me culpabilisait de le faire. Ah bah c'est vraiment dommage, mais effectivement le comment dire. Ouais, mais c'était une classe de littéraire, donc je pense ils étaient plus cool là-dessus. Mais il y a de ça aussi, tu vois, tu prenais une option cinéma pour te faire plaisir parce que t'aimes ça, et au final, tu culpabilises de prendre du temps, quelque chose pour toi. Et moi, quand je prenais 1 heure pour moi pour faire, mais n'importe quoi, hein, du coloriage, ça a été mon grand, comment dire? Mon moyen d'évasion, c'était de faire du coloriage. Bah, je culpabilisais parce que j'avais tel bouquin à lire, tel dissert à finir, tel film à voir, tel compte-rendu de ceci ou de cela. Et en fait, le fait de ne pas être productif me faisait culpabiliser. Parce que je me disais, putain, mais tout ce temps que je suis en train de gâcher, quoi. Et je pense qu'il faut réussir au bout d'un moment justement à se calmer là-dessus et à se dire, bon, bah, j'ai pas réussi. C'est pas grave. Et d'ailleurs, est-ce que j'ai pas réussi à faire ça, certes, mais est-ce que j'ai pas acquis autre chose? Est-ce que Je le peux fait... t'interrompre, Je t'en prie. Morgane? En fait, quelque part, je crois que la classe prépa, c'est une bonne métaphore dans le sens où la classe prépa, elle te fournit une charge de travail qui, de toute façon, est supérieure à ce que tu es capable d'absorber. C'est-à-dire qu'en fait, pour absorber le programme de cours d'une classe prépa, ça suffit pas de, enfin une entre guillemets une, ça suffit pas de bosser 15 heures par jour quoi, parce que de toute façon le programme il est calibré pour bosser 30 heures par jour et c'est parce que tout simplement c'est une méthode de sélection par compétition, c'est celui qui se sera le plus rapproché de l'impossible qui va remporter les places au concours et quelque part il peut en être de même j'imagine. Pour l'exigence qu'on se donne de nous-mêmes, c'est très facile de se fixer une barre qui est de toute façon plus haute qu'un homme ne peut sauter, quoi. Et à la limite, j'ai envie de dire, c'est pas grave. Et ça peut même être intéressant, justement, pour en revenir à la classe préparatoire, parce que je pense que, enfin, les auditeurs qui nous écouteront auront peut-être fait cette expérience-là, mais ça peut marcher aussi, je sais pas, hein, en école d'ingé ou dans des cadres très exigeants, de boulot très, très prenant, avec beaucoup de deadlines, beaucoup de choses à rendre, etc. quand on est sous pression, on se découvre un potentiel d'énergie, de capacité de gestion du stress, etc., incroyable. Et on développe sa rapidité à penser de façon surprenante. Je pense que je serais incapable de refaire les études de texte ou les dissertations que j'ai pu fournir en fin de prépa. Parce qu'après un an à haut régime, un peu comme un sportif, au bout d'un moment, on arrive à courir des distances ou à fournir une capacité de réflexion qu'on perd après, parce que là, au bout d'un an, on est surentraîné. Donc, c'est pas inintéressant parce que ça nous prouve qu'on est aussi capable de ce genre de pointe, quoi, et qu'on n'est pas aussi fragile et aussi faible qu'on pourrait le penser. Mais par contre, ça peut entraîner effectivement une part de culpabilité dont il faut être capable de se débarrasser après, et de se dire, c'est pas grave si j'ai échoué, ou c'est pas grave si j'ai pas atteint la barre qu'on attendait de moi. Ce que tu disais, Laurie, par rapport au hack de Dogs in the Vineyard que tu as publié sur Silent Drift, c'est que voilà, c'était des gens qui avaient probablement pour la plupart l'expérience de la publication de jeux, etc. Et donc quand ils ont vu le travail que tu menais, ils t'ont naturellement proposé de publier ton propre jeu. Et c'était peut-être, alors c'est n'y vois surtout pas ni une critique envers ce que tu fais, ni une critique envers ce qu'ils ont fait, mais c'est simplement qu'ils ont calqué sur ce que tu faisais un modèle qui leur appartenait à eux. Genre, je travaille sur un truc, donc je vais le publier. Et donc ils t'ont dit, tout naturellement, bah, publie-le. Mais c'était une ambition qu'ils avaient eux, et qui n'était pas forcément utile ni pour toi, ni pour le projet que tu avais, quoi. Et donc, au bout d'un moment, il faut être capable de faire la part des choses et de se dire, très bien, l'ambition telle qu'elle m'apparaît là, est-ce que c'est vraiment la mienne? Est-ce que c'est pas celle des autres? Et est-ce que c'est vraiment grave si je l'atteins pas ou si ça donne rien? Je pense que les créatifs sont des gens, pour la plupart, qui sont des perfectionnistes. Donc, quand ils créent quelque chose, ils ont envie que ça aboutisse, et que ça aboutisse comme ils l'ont dans la tête, c'est-à-dire que la forme corresponde exactement à ce qu'ils ont dans le cerveau, mais que quelque part, le succès aussi soit au rendez-vous, que ce soit le succès des amis ou des choses comme ça, ou quand on se décide à le publier, bah, que le public suive, et qu'ils disent « Ok, c'est cool ton projet, je vais l'acheter, ou je vais le télécharger pour les gens qui vendent pas le truc ». Et je crois que même s'il faut se nourrir de l'enthousiasme des gens, etc., il faut être capable de se pardonner quand ça marche pas. Et le lâcher prise, c'est ça aussi, c'est être capable de se dire c'est pas grave. Au moins, on aura la satisfaction d'avoir abouti à un truc, même pas fini, d'avoir acquis autre chose, des nouvelles connaissances, une connaissance de soi, des nouveaux amis, je sais pas. Et je pense que c'est super important dans le processus créatif, parce que si on ne le fait pas, on peut vraiment se faire briser. Soit parce qu'on s'est mis la barre trop haut et qu'on s'en veut à mort de pas avoir réussi, soit parce que on projetait sur les autres des attentes en se disant « ils attendent ça de moi » et que si c'est pas au rendez-vous, ben, ça marche pas non plus. Je pense que quelque part, ce que tu disais, Eric, sur la technique dont tu parlais en début de podcast, là, ne plus penser en termes d'appropriation, ça veut dire aussi ne plus comparer ce qu'on pense de nous à ce qu'on pense que les autres attendent de nous. Parce que quand on se dit définit écrivain, créateur, animateur de podcast, etc., on n'y met peut-être pas les mêmes choses que les autres. Et donc, le fait de se coller des étiquettes, c'est le meilleur moyen aussi d'être déçu, parce qu'on se rend compte que l'étiquette qu'on pensait s'être mise, c'est pas du tout celle que les autres nous collent. Des choses comme ça. Quelque part, Morgane, tu n'es pas tes livres, quoi. C'est des fois, c'est un truc qu'il faut se dire, quoi. Oui, on n'est pas. C'est pas parce que le livre fonctionne pas œuvres, que c'est pas parce que l'œuvre fonctionne pas qu'on ne vaut rien. Et c'est, enfin, surtout, il faut être capable de éventuellement. Je parle aussi en termes de projets non aboutis, parce qu'il y a beaucoup de créatifs qui ont des projets qui verront jamais le jour, soit parce qu'ils n'ont pas le temps, soit parce qu'au final ça leur convient plus. Mais il faut pas prendre ça comme des échecs ou comme des choses perdues ou comme du temps gâché. Je pense que parler en termes de productivité, ça peut aussi être très mauvais. C'est un peu ma marotte du moment, mais je regarde beaucoup les conférences gesticulées des scopes d'éducation populaire, et notamment celle de Franck Lepage. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. Et il dit que le terme de projet a fait une entrée fracassante dans le vocabulaire du management, et que maintenant tout ne se pense plus qu'en termes de projet. Et Franck Lepage explique que c'est un terme qui peut être très nocif, parce que qui dit projet dit quelque part aboutissement et productivité, et que ça peut être complètement pour le coup contre-productif que de penser un travail personnel en termes de projet. Il dit que le mot devient nocif parce qu'il fait entrer des considérations productivité et de management dans quelque chose qui peut y échapper. Même dans une entreprise, en fait, je pense que parler de projet, c'est souvent donner. C'est une excellente manière de donner une fausse importance à quelque chose et du coup de se consacrer corps et âme à justement un projet qui, en fait, avec le recul, n'a aucune importance par rapport à la vision globale qu'on a, quoi. Tu peux voir des entreprises comme effectivement des gens suer sang et eau sur des projets. Et une fois qu'ils sont aboutis, ils se rendent compte que ça servait à rien, voire pire, ça n'a fait qu'empirer certaines choses, quoi. Oui, puis ça leur a pas apporté forcément quelque chose, mais ils avaient une vision d'avenir. En fait, on a remplacé la réflexion autour de l'avenir, c'est-à-dire de comment on se projette vraiment pour le coup dans le futur, quelle direction on veut donner à sa sensibilité ou pour le coup à son parcours professionnel, choses comme ça, et on l'a remplacé par ce terme de projet qui permet de se fixer des échéances à court terme et se dire ok, tel projet c'est fait, maintenant je passe à tel projet et tel projet, de manière à s'éviter une vision globale ou une ambition globale. Ça rentre dans sa réflexion sur l'utilisation du langage. Je peux donner un autre exemple, peut-être qui paraîtra plus parlant, mais grosso modo, ils ont remplacé le terme de terme de hiérarchie par le terme de management. Est-ce à dire que la hiérarchie a disparu d'une entreprise? Non, je ne crois pas. Mais en changeant la façon dont en changeant les mots, on change aussi la façon que les gens ont de penser les choses. Si, Voilà, si je... voilà. Morgane, si je peux me permettre, Thomas, est-ce que tu cites... Oh non, j'y crois pas. Laurie, que se Allô? passe-t-il? Donc, j'allais te citer un texte. Je mettrai le lien, Thomas, si tu veux, sur Tu m'enverras par mail. ce changement de vocabulaire, justement. Mais la page vient de me planter, là. Où il remplace exploitation par partenariat. Travailleur par salarié, et donc tu passes d'une relation qui est active de travailleur à une relation qui est passive du mec qui reçoit son salaire, etc., etc. Alors, ah, ça y est, je l'ai. Donc c'est domination s'appelle partenariat, exploitation s'appelle l'exploitation s'appelle gestion des ressources humaines et l'aliénation s'appelle projet. Voilà, l'aliénation, c'est le projet, c'est ça. Excellent. Donc oui, les créatifs qui ont tendance à parler en termes de projet, je pense qu'il faut juste être vigilant à ce qu'on met derrière, quoi. Parce que un projet inabouti, ça ne veut pas forcément dire qu'on n'aura pas abouti à quelque chose. On se sera peut-être découvert, on aura peut-être dépassé certaines peurs, on aura peut-être juste eu la sensation de changer de période, ou d'avoir exprimé quelque chose qui nous tenait à cœur, et voilà. Ouais, Et je puis des pense fois que. tu les phagocytes dans d'autres choses, quoi. Oui, enfin, typiquement, moi, mon projet de haïku, il ne verra pas le jour en tant que tel, mais j'ai gardé des choses qui me paraissaient importantes et je les ai mis dans Chrysopée, c'est pas grave. Et à la limite, même si Chrysopée n'a jamais publié, c'est pas grave. Moi, ça m'aura quand même carrément aidé à surmonter quelque part la dépression du chômage d'une certaine façon. Mais Et en vérité, il est plutôt cool. publié du moment que tu as déjà envoyé le texte à plusieurs personnes, comme moi notamment. Il a déjà été rendu public, tu as déjà commencé à le partager en fait. Oui, parce que en plus, le fait qu'on me dise qu'il était plutôt bien m'a donné envie de le faire, si tu veux. Mais même si on m'avait dit, franchement, ton idée, elle n'est pas terrible, je dis pas que j'aurais été insensible, loin de là. Mais au moins, je me serais dit que j'étais allée jusqu'au bout, et ça suffit. Et je pense que c'est aussi une définition, tu vois, du lâcher prise. Alors, est-ce que finalement, le lâcher prise n'est pas une reprise de contrôle? Je sais pas. C'est jouer sur les termes, mais. Si, ça, enfin, ça correspond à ce que je fais entrer dans le lâcher prise, notamment parce que justement il y a l'idée de pas se projeter inutilement dans le futur, ou de pas se laisser aller à des constructions mentales. Par exemple, en fait, on peut finir par découvrir que ce qu'on pense être les attentes des autres, souvent sont des constructions mentales de notre part. C'est-à-dire qu'on pense que les gens ont certaines attentes de nous. Ouais. Mais souvent, en réalité, les gens n'ont pas des attentes si exorbitantes envers nous, parce que de toute façon, eux, ils sont plutôt concentrés sur leur propre obsession, leur propre construction mentale, sur leur propre. Ils sont plutôt en train de se demander ce que nous on attend d'eux, quoi. Et il y a un article qui est pas mal de Robin White, qui est un blogueur, il blogue sur le minimalisme et l'écriture nomade. Il y a un article qui s'appelle The Complete Way of Not Giving a Fuck. Que grosso modo, ça veut dire don't give a fuck hein, de ce que les gens attendent de vous, quoi. Et des fois, c'est bien aussi de faire le tri, justement, de se demander, ok, alors, qu'est-ce que les gens attendent de moi? Et est-ce que vraiment c'est important que je satisfasse leur attente? Et puis, si ça me paraît important, se reposer la question, est-ce que vraiment ils ont formulé ces attentes? Moi, je sais que par exemple, si j'ai embrassé une carrière scientifique, c'est parce que je pensais que mes parents voulaient ça pour moi. Et la vérité, c'est que c'était faux. Et j'ai quasiment foutu en l'air, enfin, pas mal d'années de ma vie à cause de cette idée qui était fausse. Oui, non, c'est sûr que faut pas se laisser embarquer dans les, enfin, faut pas projeter sur les autres des choses qui nous habitent, mais c'est pour ça que, mais en même temps, c'est pas, enfin, je veux dire, prendre du temps, c'est pas inintéressant. La rêverie, le fait de s'asseoir dans sa chaise longue ou sur son canapé et de ne rien faire d'autre que penser à éventuellement un jour ce qu'on fera, je pense que c'est pas du temps perdu, c'est pas du temps La gâché, c'est du temps pris pour recréation. soi, quoi. Oui, c'est ça. Et c'est quelque part, voilà, c'est le concept de. Je mettais en parallèle tout à l'heure, parce que je prends des notes au fur et à mesure, là, ce que disait Eric, donc sur cette fameuse technique, genre dès qu'on a une idée, en fait, faut la noter quelque part et s'y atteler. Et ce que disait Laurie sur le fait qu'il a travaillé sur la forme de sacrifice et puis que ça lui a permis de laisser en maturation quelque part le fond du projet, enfin, du jeu de rôle. Et c'est pas du temps, ça aussi, c'est pas du temps perdu, le temps de maturation, le fait que on a une idée et puis on la laisse flotter comme ça pendant un certain temps avant de se dire, mais peut-être des mois ou des années après, ok, là je me sens prêt, j'y vais. Voilà, faut pas non plus culpabiliser parce qu'on met pas tout en branle tout de suite pour tout. Ouais, puis sans doute aussi que ce que tu veux dire, c'est qu'on n'est pas obligé toujours de réfléchir en termes d'utilité, quoi. C'est-à-dire que quand on est créatif ou quand on a une passion, on peut facilement se dire que il faut qu'on raisonne en termes de rentabilité, d'efficacité et que tout ce qu'on fait soit utile. Et peut-être que cette idée d'utilité, elle est toxique, en fait. Oui, puis il y a une idée d'aboutissement. Comment Ouais, dire, il y un a. écrivain qui ne publie jamais de livre, un couturier qui ne cousu jamais rien, ou un écrivain de jeu de rôle qui finalement ne publie jamais ni scénario, ni livre de jeu de rôle, ni quoi que ce soit, on aura tendance à lui dire qu'il a usurpé son titre parce qu'il n'y a pas de production derrière. Mais c'est pas grave, il aura pensé, il aura peut-être partagé ses idées et c'est pas, on n'est pas assujetti, je pense, en tant que créatif, à la production, même si c'est important. Je préfère le terme d'aboutissement au terme de production, quoi. Et quand tu parlais tout à l'heure du fait d'errer sur Internet et de ne rien faire, c'est quelque chose que je connais bien, mais moi je le fais parce que j'ai pas de boulot, pas parce que quand je travaillais, malheureusement, j'avais pas le temps de faire ça. Et c'est, moi j'appelle ça de l'errance, tu vois, plus que du lâcher prise. Parce que, mais ça permet aussi de, je sais pas, de se donner un moment pour souffler, éventuellement pour faire le point. Je veux dire, c'est pas grave, quoi. Faut pas s'en vouloir et faut pas se fouetter parce que, mon Dieu, pendant 3 mois, on a erré sur le net. T'as fait autre chose, t'as découvert des trucs, t'as vu des films, t'as pris du temps pour toi et Dieu sait que c'est important, quoi. Bah d'ailleurs, pour mettre de l'eau à ton moulin, pourtant, tu sais bien que je combats justement la dépendance à Internet. En vérité, j'aurais jamais écrit tous les bouquins de jeux de rôle que j'ai écrits s'il n'y avait pas eu ces moments-là, parce qu'en fait, tout ce que je sais sur le jeu de rôle et sur la façon d'écrire un bouquin, je dois à mes errances sur Internet, quoi. Ouais, faut juste pas que, comment dire, il faut juste être vigilant sur la raison de l'errance. C'est-à-dire que si c'est une errance maladive, parce que c'est un symptôme de dépression, etc., faut réussir à en sortir. Après, il faut aussi prendre plaisir à. C'est bien, je veux dire, il y a tellement peu de gens dans le monde qui ont le plaisir d'avoir le temps d'errer, que je pense que quand on peut se permettre de le faire, et bien il faut se dire, youpi! Merci Morgane, je trouve qu'on progresse, on progresse bien là. Est-ce qu'on peut passer du coup à Laurie? C'est bon pour Eric? Ah ben je peux passer après toi. Hein. Je Ouais. pense que Mais du coup Laurie, tu notre faisais maître où de là? cérémonie a déjà tout prévu. Ouais, c'est moi je contrôle. Hein. De toute Il façon, est je dans suis le un contrôle. contrôle, c'est ce que j'allais dire. De toute façon, c'est assumé. Hein. Je suis dans le contrôle. Donc j'avais prévu qu'on passe à Laurie. Hein. C'était le plan. Donc moi Laurie, je. tu voulais nous parler de l'apprentissage de la technique. Oui. Pourquoi? Parce que dans le témoignage que j'ai fait sur la création de sacrifices, j'ai insisté sur le fait que je laissais déjà parler toutes mes idées et qu'après j'essayais de les modeler pour en faire quelque chose. Et je peux pas m'empêcher de comparer avec d'autres domaines comme la musique ou le sport. Où un artiste va bouffer du solfège, va apprendre ses gammes, va faire des techniques, des routines, pour maîtriser cette technique, et après, lorsqu'il n'aura plus à penser à tous ces détails, il va pouvoir exprimer des choses beaucoup plus facilement, parce que tout le travail, il a été fait en amont. Et c'est pour ça qu'on peut voir quelqu'un qui va improviser. À la guitare sur un plateau télé, une petite musique et chanter un truc en impro et en se disant waouh, ouais, il a trop de talent ce gars, ou voir un danseur dans la rue qui improvise un truc. Mais en fait, ils ont travaillé avant et ils peuvent se permettre de faire des choses qui laissent penser qu'ils. Bah que voilà, c'est naturel et que n'importe qui pourrait y arriver s'il avait du talent. Et la partie contrôle, en fait, eux, ils l'ont fait bien avant, voire peut-être même ils se sont fait chier parce que j'ai fait aussi de la musique et j'ai bouffé du solfège, j'ai bouffé des gammes et j'ai pas pris énormément de plaisir là-dessus. Et j'ai vu des gens qui, eux, avaient continué et qui maintenant sont capables de faire des trucs. Assez excellent et qui se font plaisir, et je me dis merde, c'était nécessaire en fait ce temps d'apprentissage. Je l'ai retrouvé en sport où bah, t'as le choix, hein, soit tu joues pour te faire plaisir et puis ça reste du jeu et voilà. Et si tu veux être à haut niveau, pas forcément pour être le meilleur, mais pour pouvoir faire des trucs. Qui te laisse penser que c'est facile, quoi. Quand tu vois un gymnaste qui passe aux anneaux ou qui fait de la barre fixe, tu dis ouais, c'est facile, ça tourne tout seul, quoi. Bah, c'est pas là, quoi. Et en plus, le mec, il le fait avec le sourire. Donc, c'est cet apprentissage technique, je pense que dans tous les domaines artistiques, créatifs, il existe, et si après, quand on en voit un qui travaille, on peut se dire bah c'est facile, en fait non. Si nous on s'y met, on se rend compte que on peut peut-être avoir des idées. Si on n'a pas la technique, on va forcément devoir l'apprendre, la travailler, et Mais en même temps, bon. Vas-y. Si je peux me permettre, là, Laurie, de t'interrompre, ça me fait penser, il y a un, bah, qui dit à peu près la même chose que toi, hein, il y a un bon article sur le blog Cosmo Orbus qui s'appelle, l'article s'appelle Le talent n'existe pas. Et notamment, ça finit par une phrase de je sais plus qui, je sais plus si c'est Delacroix, enfin, c'est un peintre assez célèbre qui dit, comment, j'ai fait ce dessin en 5 minutes, mais ça m'a pris 50 ans de savoir le faire, quoi. C'est ça. Par contre, je suis pas d'accord sur le talent n'existe pas parce que il y a peut-être qui vont bosser 50 ans, il y en a qui seront toujours pas capables de le faire à l'arrivée, quoi. Mais si tu suis un peu, j'ai vu un doc sur Mozart il y a pas très longtemps où en fait, bah, il a appris et tout ce qu'il a fait petit. C'était juste un virtuose, quoi. Il a travaillé, son père le faisait travailler comme un chien et il le présentait à la cour des différents rois d'Europe. En gros, c'était un singe savant, quoi. C'était un singe savant. Après, il a été capable de produire assez tôt ses propres partitions, mais ça reste des partitions qui sont très techniques. Il y a rien en termes d'originalité, ça reste, tu prends les outils, t'analyses les morceaux classiques et il a refait la même chose, quoi. Et après, par contre, quand il a quitté ce système-là, et qu'il a eu sa période, bah, de drogue, de sexe, de tout ce que tu veux, de rocker de l'époque, là, il a fait des choses qui sont beaucoup plus personnelles et beaucoup Voilà, plus donc moralité, droguez-vous, éclatez-vous. Non, pas ça, mais il a quitté en fait ce truc-là en disant bah non, mon père a toujours voulu que je fasse ça, mais moi c'est pas ça que j'ai envie de faire. Et il a écrit à nouveau des choses, mais des choses beaucoup plus personnelles et beaucoup plus enfin, profondes, quoi. Si tu prends Si tu compares Beethoven et André Rieu, ils ont dû faire autant d'années d'études de musique, et c'est pas la même chose quand même, quoi. Donc le talent, c'est pas la même. Voilà, il y en a un qui a du talent, pas l'autre. C'est pas très gentil pour Beethoven. Si je peux me permettre, j'ai une approche un peu différente de la tienne. Vas-y. Parce que, notamment, j'ai assez peur du syndrome ah, j'y arriverai jamais, c'est trop difficile, ou effectivement, il me faudra trop de boulot pour faire quelque chose d'intéressant. Bon, tu me diras, j'ai abandonné la guitare électrique, hein. C'est bien que j'étais une feignasse. Mais ce que je fais maintenant, quand je veux me lancer dans un nouveau projet qui requiert du matériel ou des techniques que j'ai pas, c'est que je me lance sans le matériel et sans la technique. Quitte à faire des choses qui au départ soient pas terribles, mais je le fais, quoi. Si j'ai envie, je le fais. Et je sais que je m'améliorerai en faisant, mais ça m'empêche pas quand même de me lancer dès le départ sans aucune compétence. Par exemple, quand j'ai fait mon premier livre artisanal il y a 6 mois, bon, ça partait d'une vieille envie, mais en fait, j'avais toujours reporté ça en me disant, non, mais j'aurais jamais le temps d'apprendre comment on fait, c'est trop long et tout, il faut plein de matos pour faire des livres artisanaux et tout, j'y arriverai jamais. Et pour le premier livre artisanal que j'ai fait, finalement, c'est parti sur un what the fuck, quoi, hein. J'ai pris un de mes bouquins imprimés sur Lulu, là, je l'ai désossé, et j'avais chopé une méthode de reliure japonaise sur Internet, qui est la technique de reliure la plus rudimentaire qui soit. J'ai emprunté du fil de couture à ma copine, et puis c'est parti, quoi, j'ai bricolé un bouquin. Et même ce bouquin-là, fait comme ça à la va-vite, ben j'ai réussi à le vendre. Je cherche pas à dire qu'il faut faire dans cet ordre-là. Quand je parle de sacrifice, je suis tout D'accord. à fait dans le même ordre que toi. Je sais pas comment on écrit un bouquin, je sais pas comment on le diffuse, je sais pas comment on le rédige, je sais même pas comment je communique dessus. Mais je suis parti dessus et j'apprends au fur et à mesure. Je suis parti sur un truc un peu plus simple, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que même si on voit des gens qui font les choses naturellement et on se dit bah eux ils ont pas besoin de contrôler, ils le contrôlent, ils l'ont fait avant, et je rejoins tout à fait, le morceau je l'écris en 5 minutes, mais j'ai fait 50 ans d'études avant pour pouvoir écrire le morceau, quoi. Et ça, je pense que c'est partout pareil. Si tu regardes un mec qui fait un jeu vidéo ou un programme informatique, il peut te torcher un truc en 2 minutes parce qu'il maîtrise parfaitement le langage. Enfin, j'ai fait des formations sur Excel en tant que formateur, mais je me suis auto-formé là-dessus. Et le premier programme que j'ai fait sur Visual Basic, j'ai passé des jours quoi, pour faire une merde. Et maintenant, en 10 minutes, je fais des trucs hautement performants, quoi. Tu me diras ce que tu dis là, ça me fait penser à un truc que fait Frédéric Sintès, qui écrit des jeux de rôle. Ce mec est incroyable. Toi, tu passes 6 mois à torturer ton système dans tous les sens pour éventuellement qu'il soit à peu près correct. Et lui, il te fait ça entre le fromage et le dessert. Un soir, comme ça, pouf pouf, il t'a inventé un jeu, il l'a fait en 30 minutes. Mais c'est parce que il a longuement réfléchi sur le sujet, parce que c'est pas son premier essai, et voilà. Parce qu'il joue à beaucoup plus de jeux. Qu'il fait oui, c'est ça. Et il a effectivement, il a plus d'expérience. En plus, dans ce métier, entre guillemets, de créateur de jeux de rôle, c'est vraiment ton expérience qui fait la différence, parce qu'il y a pas de cursus. Oui, il n'y a pas de corpus théorique. Donc tu peux apprendre maintenant, depuis quelques années à peine, tu peux apprendre à faire du jeu vidéo. Et les principes se rejoignent à pas mal de niveaux, mais je connais personne qui a appris professionnellement à écrire du jeu de rôle. Ou du jeu de société d'ailleurs. Bah, la différence aussi qu'il peut y avoir en jeu de rôle, c'est qu'aujourd'hui tu peux étudier des anciens systèmes. Ou ce qui s'est déjà fait avant. Alors qu'il y a 20 ans, il n'y avait pas grand-chose à étudier. Si tu t'y mettais il y a 20 ans, tu n'avais pas grand-chose. Non. Alors qu'aujourd'hui, tu commences à avoir une historique des jeux de rôle. À 20 ans, tu avais déjà beaucoup de jeux, mais par contre, tu n'avais pas beaucoup de jeux de rôlogie, quoi. Maintenant, aujourd'hui, tu peux quand même trouver beaucoup d'articles de blog sur l'écriture de jeux de rôle, ce qui n'existait pas il y a 20 ans, évidemment. Il y avait quelques magazines, mais il n'y avait pas non plus... Le temps ne fait que jouer en notre faveur, quoi. Bah, surtout que en créativité, et puis dans la plupart des... dans tous les domaines, hein, et techniques, il faut savoir que... On s'appuie aussi sur le domaine public. En fait, on s'appuie non seulement on s'appuie quelque part sur l'expérience des morts, quoi. Ou sur c'est aussi pour ça que l'humanité progresse de façon exponentielle. Enfin, bon, certains me diront qu'elle progresse pas forcément dans le bon sens, mais c'est autre chose. Mais il y a des sauts technologiques qui paraissent. On peut se demander comment c'est possible. Par exemple, qu'au XXe siècle, on ait fait 1000 fois plus d'inventions que dans tout le reste de l'histoire de l'humanité, quoi. C'est aussi parce que bah, tout ce qui est savoir, technique, c'est quelque chose qui s'agrège, quoi, qui finit par... Et on est toujours à... Ouais, effectivement, plus le temps passe et plus l'expérience... On parle de noosphère, notamment, la sphère du savoir, quoi. Plus la noosphère augmente, et plutôt de façon exponentielle, justement. Avec notamment, aujourd'hui, une circulation de l'information... Avec notamment l'internet, qui n'a rien à voir avec l'information auquel on pouvait y avoir accès, ne serait-ce qu'il y a 20 ans, 30 ans, quoi. Bah, même il y a 10 ans, hein, quand tu vois le... Maintenant, s'il y a tellement aussi de créateurs de jeux de rôle, etc., c'est qu'il y a une floraison de blogs, de podcasts, de sites internet, de choses comme ça qui permettent aux gens d'échanger sur le sujet. Alors qu'avant, c'était quand même nettement plus compliqué. Alors qu'il y a moins de gens, probablement moins de gens qui jouent que dans les années 80. Tu crois ? Oh, je pense, ouais. Je pense parce que... On est trop occupé à écrire des jeux pour jouer. C'est pas ça, mais on se diffuse pas auprès du grand public comme on se diffusait dans les années 80, où tu pouvais trouver la lune noire dans les magasins de jouets, dans Donjons et Dragons, dans les librairies, etc. C'est fini, ça. Mais il y a un reportage qui est sur YouTube, alors je ne sais pas s'il y restera très longtemps, sur la bande dessinée qui Oui. s'appelle Sous les bulles. Et ça me fait exactement penser à ce qui est dit dans le reportage en question, là, sur le milieu de la bande dessinée, où maintenant, se faire éditer, ça n'a jamais été aussi facile pour un auteur de bande dessinée, mais ça n'a jamais été si difficile de trouver des lecteurs, parce qu'il y a tellement de choses que pour acquérir une visibilité, etc., ça devient la croix et la bannière. Ils sont passés de quelque chose comme 800 titres par nouveaux titres par an à plus de 5000 Oui, sans que le lectorat pour autant en se 20 ans. multiplie. Ou par deux, je crois qu'ils disent. Oui, c'est ça, oui. Le marché a été multiplié par 5 et le lectorat divisé par 2, multiplié par 2 seulement. Ouais. Ouais. Ok, alors, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter, Laurie, parce que je vois un petit peu l'heure défiler, ou est-ce qu'on passe à Eric? On passe à Eric. Eric, tu voulais nous parler des routines? Ouais. À moins que tu aies changé de sujet, parce Non, que non, non, tu étais un non, peu en observation. Non, c'est bon. je suis toujours parti là-dessus. Pour mettre ça dans le contexte, moi, c'est une constatation que j'ai faite parce que je suis indépendant. Je travaille donc en freelance depuis bientôt 5 ans maintenant, et c'est que c'est la deuxième fois de ma carrière où je fais ça. Et en faisant le compte, je crois que 2 tiers de ma carrière professionnelle, je les ai passés en tant qu'indépendant. Et je me rends compte qu'à différentes périodes de ma vie, ce sont correspondent des routines différentes. Autant la première fois, j'étais beaucoup dans Getting Things Done, dont je pense tu vas nous parler, Thomas. Ouais, tout à fait. Et j'étais beaucoup dans le contrôle. Et maintenant, alors c'est peut-être l'âge aussi, hein, mais j'ai adopté une manière un petit peu plus souple, voire beaucoup plus souple de travailler et d'organiser ma vie. Mais pourtant, j'ai l'impression qu'il faut quand même garder une structure. Je me suis rendu compte, après l'avoir lu et pas l'avoir forcément cru, que quand on est créatif, si on ne crée pas, on est malheureux. Et du coup, j'applique ça, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'applique ça au jour le jour, dans le sens où si j'ai pas eu au moins 1 heure de ma journée, préférablement le matin, pour travailler sur un truc créatif qui m'intéresse, qui me motive, que j'ai vraiment envie d'accomplir, je passe une journée de merde. Et du coup, ma productivité du reste de la journée risque d'être complètement foutue en l'air. Je vais broyer du noir, je vais me dire, bon, j'ai travaillé que sur un truc alimentaire aujourd'hui et ça m'emmerde. Et si j'avais su, je me serais organisé autrement. Bon, puisque c'est ça, je vais faire un tour et finalement, je me retrouve avec une journée qui est 2 fois moins productive que si j'avais consacré ne serait-ce qu'une demi-heure le matin entre 7h30 et 8h à bosser sur une nouvelle. Sur un roman, sur ne serait-ce que le compte-rendu du playtest de la veille, etc. Là, si je peux me Ouais. permettre, tu parles de Getting Things Done, puis après ta routine, là, de commencer par quelque chose qui est important pour toi. Il y a Léo Babota du blog Zen Habits, toujours là, sur le lâcher prise justement, qui avait fait un mix de Getting Things Done avec le Zen, qui s'appelait Zen to Done, et qui partait du principe de dire ce qui levez-vous tôt et commencez votre journée par faire. Enfin, commencer, ouais, en tout cas, faites dans la matinée les 3 choses qui sont importantes pour vous. Ouais, je me Et souviens, j'avais même appliqué ça à une le époque. reste de la journée, c'est open bar, par contre, vous faites bien ce que vous voulez. Mais commencez par 3 choses importantes. Ouais, j'ai même appliqué ça à une époque. Léo Babota, j'ai arrêté de le suivre quand il a commencé à numéroter les choses qu'il possédait en disant je ne veux posséder que 100, 100 choses, Ouais, c'est 100 plutôt objets. 50 maintenant, ouais. Ah ouais, d'accord. Combien il lui reste de caleçon maintenant? Je trouvais qu'il allait un peu loin sur ce coup-là. Et puis bon, progressivement, j'ai perdu l'intérêt pour ces méthodes-là au fur et à mesure que je trouvais ma façon de. Oui, pas de surtout que, travailler vraiment, mais à de la limite, vivre juste quelque pour revenir là-dessus, il y a un moment, il dit stop reading this blog. Ah C'est ouais? qu'il. Bah non, mais en fait, tout simplement de dire aussi que c'est bien d'avoir des mentors, justement de s'inspirer, chercher des routines ailleurs, sur Internet, tout ça. Mais à un moment, il faut juste arrêter de rechercher des mentors, de se renseigner, de se documenter, de se préparer. Faut juste se lancer tout seul, quoi, et puis faire, quoi. Ouais. Donc tout ça pour dire que si j'arrive à me donner ce petit espace de créativité, je peux passer des journées qui sont beaucoup plus productives, mais que ça m'empêche pas d'avoir des moments où j'ai envie de casser la routine, où je vois que j'ai vraiment pas envie de bosser sur un projet alimentaire. Ou que j'ai envie, même si je suis en train de travailler sur un projet à moi, que j'ai envie de réfléchir à autre chose. Et là, je pense que ça rejoint un peu ce que disait Morgane à propos de la rêverie et de l'errance. Il faut pas avoir peur, à mon avis, de suivre son cerveau et son inconscient. Quand on est, à mon avis, quand on n'est pas concentré, quand on se retrouve à papillonner au lieu de travailler et que du coup on peut très bien stresser en regardant la montre, en mettant le chronomètre, en se disant il faut vraiment que j'ai fini ça. Si la deadline en question n'est pas absolument vitale, s'il n'y a pas un client qui attend derrière son bureau qu'on lui envoie un truc, ça peut valoir le coup de sortir, même s'il pleut, de mettre un imperméable et de se balader, de lire un bouquin. Et puis les deadlines, tu peux aussi t'organiser pour plus en avoir, hein. C'est-à-dire enfin, moi c'est Ouais, en prenant aussi le moins d'engagement temporel auprès des gens. oui, c'est une bonne chose aussi, je pense. Ceci dit, la deadline, c'est quand même un excellent moyen de se motiver. Mais ça dépend de quoi il s'agit. Mais pour prendre un exemple, il y a, ça va faire un peu plus d'un an maintenant. En fait, mon prochain projet de roman, celui sur lequel j'ai toujours pas vraiment avancé parce que White Books, mais Ah mais Eric, mais quitte ce podcast, va bosser sur ton roman. Qu'est-ce que tu fais encore Stop reading. là? C'est vrai que c'est bien de travailler aussi plutôt que de parler de comment on travaille. Mais je pense que je vais pouvoir m'y remettre bientôt. Mais c'est un projet qui a un nom et tout, dont j'ai même parlé à un éditeur, donc que je laisserai pas tomber d'ici peu, de si peu, de si tôt. C'est ça qu'on dit, je crois. Mais ce bouquin-là, en fait, l'idée m'en est venue. Un jour, j'ai pris une journée. Alors, je sais plus exactement si j'étais frustré parce que ce sur quoi j'étais en train de travailler, ou si j'avais décidé que ce serait une journée où je passerais pas beaucoup. Et je suis sorti et j'ai passé 3-4 heures à me balader en ville. J'étais faire un tour dans un musée. J'ai pris des notes. J'ai griffonné des trucs, des petits dessins. J'ai vu les carnets de notes de Jack Yates, qui est un peintre que j'aime beaucoup. J'ai griffonné des trucs qui ressemblaient un peu à ce qu'il faisait. Et j'ai pris plein de notes et je suis rentré avec, je sais pas, une dizaine de pages sur mon carnet, avec des impressions, des ambiances et des trucs comme ça. Et en prenant un café, avant de rentrer chez moi, j'ai monté le projet du bouquin comme ça. Alors, c'était sans doute lié à une idée que j'avais avant, etc. Allez, 4 heures peut-être de mon temps. Tout s'est solidifié. Alors évidemment, le bouquin il n'est pas écrit, il n'y a pas d'histoire finale, etc. Mais tout s'est fabriqué presque tout seul en fait. Et tout ça parce que je me suis autorisé de respirer tout simplement. Et je suis pas parti ce matin-là avec dans l'idée de bosser sur un nouveau projet. C'est vraiment le truc qui m'est venu comme ça, au fur et à mesure de la façon dont la journée se passait, de ce que je voyais, de la créativité, enfin de. Tout comme je constate personnellement, puis je pense que c'est valable pour tout le monde, quand on part en voyage quelque temps, même une journée ou une demi-journée, quoi, qu'on quitte son domicile et on prend du temps off, effectivement, ça débloque des trucs et des fois des choses qui étaient bloquées depuis longtemps sont débloquées ou des nouvelles idées émergent. Ouais, et ça, je crois que c'est vraiment la façon dont notre cerveau travaille. On a un inconscient qui bosse tout le temps. Qu'on soit en train de travailler sur le projet A, le projet B, ou qu'on soit en train de rien faire, Et de temps en temps, il faut prendre, il faut comprendre les signaux qu'il nous envoie. Et essayer d'y répondre pour lui laisser l'occasion de s'exprimer. C'est comme les gens qui notent leurs rêves et qui en font des trucs. Ça, c'est une de mes grandes frustrations. J'ai jamais vraiment réussi à me souvenir de mes rêves pendant plus de quelques semaines si je fais l'effort de les noter au matin. Et j'ai l'impression de perdre énormément de créativité parce que je sais que mon cerveau travaille pendant que je dors et si ça se trouve, il y a de bonnes idées là-dedans, donc je pourrais faire des choses. Bon, par expérience, de tout ce que j'ai noté, il n'y a rien de vraiment utilisable, mais bon, on sait jamais. Et voilà, je crois que c'était en gros, c'était ce que je voulais dire. Oh, sur le fait de noter ses idées, ouais, moi je sais que je note absolument toutes mes idées. Hein. Ah oui, ça moi aussi. Alors, quitte à les perdre, quitte à ce qu'elles soient dans un carnet que je vais ranger sans avoir forcément compilé ces trucs-là dans un fichier informatique quelque part, mais je sais que je ne suis pas à l'aise si je note rien. Et Morgane, je comprends pas comment tu fais. T'as pas le cerveau qui explose des fois, du sang qui coule de tes oreilles Non, mais du coup, ça me force à, comme je note pas mes idées, ça me force déjà à faire le tri, c'est-à-dire à faire la part des choses entre des idées qui sont juste des idées et des idées qui sont vraiment, je sais pas, porteuses de quelque chose, tu vois. Parce que si je devais, je sais pas, réaliser toutes les idées de costumes que j'ai en tête, il y en aurait plusieurs par jour. Donc, au bout d'un moment, c'est pas viable, mais ça permet de se dire, ok, ça c'est vraiment important, vraiment intéressant, ça c'est juste comme ça, on verra s'il n'y a pas moyen de le réutiliser plus tard. Après, Et tu du peux coup, les agglomérer, tes idées. oui, c'est ça, enfin, et puis aussi parce que comme comme je note rien, je me dis, ok, maintenant que je l'ai sous la main, il faut vraiment que je l'écrive. Ça marche notamment pour les haïkus, parce que comme c'est trois petits vers très courts, quand j'en tiens, qui musicalement me plaît, il faut que je l'écrive tout de suite, parce que ou un bout de texte, ou un truc comme ça. Et du coup, ben, ça me force à lui donner à le faire aboutir tout de suite. Donc si je note dans un coin, bah, je me dis bah, c'est pas grave, j'y reviendrai plus tard et bah je sais pas. Après c'est chacun Ouais, fait. c'est pas la même chose, je pense. Un haïku, c'est vraiment un truc que tu peux retravailler dans ta tête. Oui, Oui, parce que Marc. c'est très très court, Ouais. mais ça, à la limite, ça marche aussi pour des textes. J'ai un blog sur lequel j'écris des nouvelles de temps en temps et comme je suis quelqu'un de très auditif, l'idée qui me vient, c'est toujours quelque chose que je me récite comme un poème et je me dis ah oh putain ça sonne bien faut que j'écrive la suite et alors c'est très frustrant parce que quand ça arrive à 1h du matin se relever pour écrire la suite c'est compliqué mais Même si tu le fais pas, t'as perdu ton idée et là. alors parfois j'ai la bonne surprise de la retrouver au réveil hein, et de me dire oui et puis parfois je la perds et je la retrouve 2 jours après et je me dis tiens c'est mieux comme ça mais parce que je suis chaotique, hein, mais je vis bien avec ça. C'est bien. Moi, quand j'ai une idée au milieu de la nuit, je la note sur mon portable. Du coup, c'est même au milieu de la nuit, je peux noter une idée, même si la lumière est éteinte. Moi, je sais que si jamais ça m'est arrivé plus d'une fois hein, de ne pas noter une idée, je sais qu'elle est perdue à jamais. Ouais. Alors moi, j'ai testé ton système, Thomas, là, de la Get the Thing Done, et pour Ouais, moi, c'est pas via la possible. GTD, c'est plus facile à dire. Eh ouais, la GTD. Mais à chaque fois, j'ai envie d'appeler ça, je sais pas, je me trompe dans les sigles, donc la GTD. Et pour moi, c'est pas possible parce qu'en fait, je passe tellement de temps à noter ce que j'ai dans la tête que je fais plus rien parce que je passe mon temps à remplir le tableur Excel. Ouais. Et au bout d'un moment, j'ai fait, c'est pas grave, tant pis. Ça Oui, demande une justement. discipline de folie en fait. Ouais, justement là j'allais en parler. À moins que t'avais encore quelque chose à rajouter sur les routines, Eric. Hein. Non, je pense que ça va faire un bon enchaînement. Ah, cette Ok. transition. Attention, truc de fou quoi. Alors, Getting Things Done, c'est une méthode. Une méthode pas de gestion du temps, plutôt de gestion des tâches, quoi. Qui a été inventé par un Américain, David Allen. Vous pouvez regarder sur Wikipédia la page Getting Things Done. C'est déjà bien décortiqué. Alors, avant d'expliquer en détail ce que c'est, j'avais noté, on va dire les trois choses que ça permet. Tac, tac, tac. Ça permet de sortir les idées de sa tête. Ça permet de garder une trace des projets qu'on fera plus tard. à des projets ou des idées, puisqu'on a, on avait dit que le projet, c'est pas un, c'est un vilain mot. Et puis également, ça permet de. Enfin, ça, c'est une. C'est un développement personnel de la GTD, mais bon, comme la GTD, c'est une méthode très souple, elle permet plein d'amendements. Ça permet aussi de lutter contre le débordement, quoi. Donc, première chose, sortir les idées de sa tête. En fait, l'idée principale de la Getting Things Done, c'est que, effectivement, on a des idées à peu près tout le temps, quoi. Que ce soit au niveau créatif ou à tous les niveaux, hein. Ça va de tiens, il faut que j'achète du pain à effectivement une idée de peinture, une idée de film à faire, quoi. Et en fait, la méthode Getting Things Done, elle consiste à dire notez toutes vos idées. Donc que ce soit des idées ou que ce soit des actions à faire, quoi, parce que c'est quand même bon, c'est assez focalisé action à la GTD à la base. Donc l'idée, c'est de noter les actions qu'on doit faire, quoi. Ça permet ensuite. Moi, j'ai note sur un fichier Excel, hein, mais bon, c'est chacun fait comme il veut. Hein. David Allen, bon, il préconise plutôt de faire sur papier, mais il faut dire que le bouquin, il a déjà 10 ou 15 ans, donc c'est un peu daté, je trouve, de noter sur papier. Puis là, t'en finis pas, quoi. Enfin, moi, je connais des gens qui sont ce qu'on appelle ce que j'appelle des contrôles fric du papier, ça fait un peu peur, hein. Les mecs qui ont des fiches cartolines partout, avec des casiers étiquetés et tout. Enfin, j'ai eu J'ai cette eu ça période-là, pendant une époque. ça me fait peur maintenant. Donc moi, je note, en fait, voilà, tout ce que je dois faire, je note sur un fichier Excel, quoi. C'est ça le béaba de la méthode GTD. L'idée, c'est de noter dans un endroit unique, en fait, parce que c'est surtout, souvent, on note, la plupart des gens notent en fait déjà, enfin, quelque part, on n'a pas attendu la GTD pour avoir des post-it, pour avoir des agendas, des choses comme ça, quoi. Mais on va dire que le postulat de la GTD, c'est que noter sur des post-it ou des agendas ou des choses comme ça, et surtout noter sur plusieurs supports différents, c'est pas très efficace, quoi, parce que finalement, on va se perdre, on va oublier de faire les choses, tout ça, quoi. Donc l'idée, c'est de noter sur un système centralisé. Donc moi, c'est un bête fichier Excel, quoi, et un fichier, quelque chose qui soit stable. Pour aller plus en détail dans ma façon de faire la GTD, je vous invite à voir l'article que j'ai mis sur Outsider, qui s'appelle Mon ultime martingale d'opinion personnelle. Bon, d'opinion, voilà, d'organisation personnelle. Je mettrai un lien avec le podcast. Et bon, Morgane, je crois que tu as tout à fait raison quand tu dis que effectivement, en fait, noter toutes ces idées, ça peut prendre un temps impressionnant. Moi, je trouve, hein. Je crois que c'est pas du temps perdu. Déjà parce que, à la limite, c'est aussi une façon de se rendre compte de la quantité d'idées qu'on peut avoir. Et du coup, c'est bien d'arbitrer au moment où tu notes et de se dire est-ce que vraiment je dois faire ça, quoi. Si tu as le doute, bon bah tu notes. Et puis des fois, bah, tu dis bah non, faut pas le faire. C'est aussi on se rend compte que notre esprit en fait, notre esprit c'est comme un prof de classe prépa. Il nous donne plus de devoirs que ce qu'on peut humainement réaliser. La vérité c'est que la somme de tes projets dépasse complètement tes capacités. À les réaliser, quoi. Et en fait, la GTD, c'est une façon de s'en rendre compte. Moi, par exemple, sur mon fichier GTD, je sais pas, je dois avoir un millier de lignes à peu près, quoi. J'avais fait un article qui s'appelle Départ de feu, je crois, où je liste le nombre de lignes que j'ai, justement, au début, un petit peu l'effroi que j'ai constaté, tout ce que j'ai prévu de faire, quoi. Une fois que tu as noté, en fait, tu peux hiérarchiser. Ou effectivement, après, bon, il y a aussi des méthodes pour rendre la saisie plus rapide. Moi, je sais que j'ai choisi Excel parce que justement, c'est quelque chose d'assez. Ça bug pas, c'est un logiciel rapide. Il y a plein d'applications GTD, mais je méfie des applications parce que qui dit application dit beaucoup de clics à faire, dit ça va ramer. Et puis t'es Et coincé, tu peux pas facilement passer d'un support à l'autre aussi. Ouais, tout à fait. Et il faut avoir des bons outils de capture aussi. Par moment, j'avais des bloc-notes que je trimballais partout et je notais sur des bloc-notes. Maintenant, j'ai trouvé plus simple, je note sur mon portable. Simplement dans n'importe quel pot. Moi, j'ai un portable assez bas de gamme, quoi. J'avais un smartphone, mais justement, comme le smartphone avait tendance à doper ma dépendance à Internet, j'ai surpassé un téléphone archaïque. Et la plupart des téléphones, même archaïques, ont un petit truc. Un petit bloc-notes en fait. Ce que je fais au bureau, c'est que j'ai un fichier GTD nomade et en fait, une fois par semaine, je fais un copier-coller et puis j'envoie par mail pour compléter mon fichier GTD à la maison. Mais en fait, je pense que la GTD, ça reste une béquille, dont je suis pas défait hein, parce que j'utilise toujours, dans le sens où en fait, l'idée, c'est que on s'organise tant qu'on crée ce besoin d'organiser. Et en fait, il arrive un moment où, quand justement, tu arrives à lâcher prise de tout un tas de projets annexes, quand tu arrives à te focaliser juste sur ce que tu es en train de faire, justement, à pas laisser la place à ces pensées parasites, tu finis par plus avoir besoin de noter ou alors noter très peu de choses, quoi. Et c'est assez amusant de constater que dans mon travail salarié, où finalement je me mets assez peu de pression et où j'ai fait pas mal d'efforts pour rester dans ma zone de confort, j'ai un fichier GTD ultra dépouillé, quoi, avec même pas une demi-douzaine de tâches par semaine. Alors que dans mon boulot créatif, où je me laisse aucune bride, eh bien j'ai plutôt... voilà, j'ai... J'avais tendance à accumuler vraiment les tâches et je pouvais facilement avoir des listes de tâches de 20 à 30 à 50 entrées, quoi. Mais est-ce que tu t'en sers aussi pour ta vie personnelle, à savoir est-ce que tu Ouais, je m'en sers rajoutes aller chez le absolument. Ouais. coiffeur, faire Ouais. réviser la voiture, etc. Tout à fait, ouais. Ça, je pense que c'est l'erreur que font beaucoup de gens qui n'arrivent pas à faire marcher la méthode, en fait. Ne pas l'appliquer ou de Ouais, l'appliquer à ne leur vie pas l'appliquer personnelle? parce que l'idée de base, c'est que tu as un cerveau qui ne sait pas se concentrer. C'est pas humain de se concentrer plus d'un quart d'heure sur quelque chose. Alors c'est l'idée, c'est la. On peut être d'accord ou non avec la théorie, hein, mais Allen, il vient du New Age. C'était justement ma blague de tout à l'heure. C'était pas vraiment une blague. C'est un ancien gourou New Age, ce garçon, qui a mis une cravate et qui a décidé qu'il allait vendre ses théories à des businessmen. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a des trucs de lâcher prise avec un habillage management dans la Ouais. GTD, ouais. Et l'idée, c'est que si tu es en train de bosser sur un projet quel qu'il soit, et que dans ta tête, tout d'un coup, il y a une pensée parasite qui va arriver, style il faut faire réviser la voiture, ou surtout ne pas oublier d'acheter des bananes parce que j'en ai besoin pour le goûter des enfants. C'est important les bananes. C'est important les bananes. Et du coup, tu vas être perturbé, tu vas perdre ta concentration et donc tu vas perdre en productivité. Et à partir du moment où tu auras un système, tu auras entraîné ton cerveau à faire confiance à un système dans lequel, quand tu auras besoin d'acheter des bananes, le système va te le rappeler, que ce soit parce que tu l'as noté sur un calendrier ou que tu as une app qui va t'envoyer un SMS au bon moment, ou même que tu as une app qui va localiser le fait que tu es par GPS, que tu es dans le supermarché à ce moment-là. Si ton cerveau sait que c'est pas plus la peine de se préoccuper des bananes, ou du rendez-vous chez le coiffeur, ou de la révision de la voiture, tu seras plus zen, finalement. Je Et c'est là qu'on rejoint le New Age, puisque tu vas te retrouver à faire de la pleine conscience vois. et à gagner en sérénité et faire disparaître le stress. C'est exactement ce que je voulais dire, ouais. Et Pardon? force est de constater que ça fonctionne. Ça, bon, il suffit pas de la GTD pour être en état de pleine conscience permanente, mais ça offre de vraies perspectives de lâcher prise, en fait. Le fait. Après, je pense que derrière, ce que ne fait pas la GTD, c'est qu'en fait, il n'éduque pas notre mental à arrêter de produire des idées et à arrêter de se projeter dans l'avenir. Ouais, c'est ce que Parce qu'il j'allais y a, dire. c'est une chose de, c'est une chose de noter quelque part que tu dois faire réparer la bagnole. Ça te permet effectivement de ne pas l'oublier. C'est une chose que de s'éduquer à ne pas penser en boucle au fait que tu dois réparer la bagnole. Après tout, est-ce que tu as besoin d'une bagnole? Voilà, tout à fait. Mais Ouais, c'est parce que c'est adapté à la productivité, au businessman et donc à l'efficacité, etc. ouais. Moi, j'ai remplacé la méthode GTD par 10 minutes de méditation par jour. Ce qui doit très bien marcher aussi. Bah, ça ne, j'en, je, j'ai pas encore de voiture, mais je pense que ça m'empêchera pas d'oublier d'acheter des bananes, des choses comme ça. Mais par contre, j'ai appris à arrêter de, enfin, à me reconcentrer. Disons que l'esprit humain est fait de telle façon que, de toute façon, la distraction fait partie de son fonctionnement. Mais en tout cas, j'ai appris à me reconcentrer. Et à la limite, je préfère savoir me reconcentrer et être capable de me dire, bon, ok, j'ai besoin d'acheter des bananes, je les range dans un coin, mais je passe à autre chose, que de passer mon temps à me rappeler, putain, faut que je note sur le fichier Excel qu'il faut que je rachète des bananes. Je pense que une autre chose qui peut être parallèle au GTD ou alors que le GTD peut nous permettre de nous en rendre compte, c'est que on peut aussi simplifier nos vies. Des fois, si on pense à énormément de choses en même temps, c'est aussi parce que nos vies sont compliquées. C'est aussi parce que on est empêtré dans beaucoup d'engagements, dans beaucoup de projets, qu'on remplit nos agendas. Qu'on remplit nos frigos aussi avec justement tout un tas de choses. Est-ce qu'on a vraiment besoin de manger des bananes, par exemple? Et quelque part aussi, bah, tu vois que dans la GTD, tu as 50 tâches qui s'alignent. Ça doit être aussi un signal d'alarme. Dire, en fait, peut-être que je devrais un peu simplifier ma vie. Moi, Et c'est... ne pas ne, parce que c'est par exemple le fait de multiplier les projets, c'est aussi quelque part c'est le fait de se laisser guider par ses désirs quoi. Le problème c'est que les désirs c'est un peu bouddhiste ce que je vais dire mais j'assume complètement. Les désirs c'est par définition sont infinis de toute façon c'est impossible de tous les combler et donc à un moment il faut justement arrêter de multiplier les projets de se multiplier les tâches à faire, quoi. Thomas? Oui. Oui, moi donc j'utilise ton fichier. Je suis à l'opposé de Morgane, ou de ce que vous avez pu dire si on prend l'exemple de réparer la voiture. Moi, c'est pas toute la journée, ça va me pourrir en me disant faut pas que j'oublie de réparer la bagnole et ça va me gêner, quoi. C'est plutôt je vais oublier. Et le soir, je vais me dire, ah merde, j'ai oublié de prendre rendez-vous avec le garagiste. Et le lendemain, ah merde, j'ai encore oublié de. Donc le fait de noter dans ce fichier les tâches que j'ai à faire, ça me permet de me les rappeler. Ça me permet de les faire. Et dans ton article, un des trucs qui m'a un peu aussi quand même incité à le faire, c'était. On peut cocher la tâche qu'on a accomplie, on la visualise. Et moi, je suis plutôt dans le truc de ne pas me faire déborder. Tu m'avais dit que mon fichier comportait très peu de lignes. Ah oui, ça j'avais apprécié justement le fait qu'il était très simple. Et c'est voilà, quand tu supprimes une ligne, tu dis, ah ouais, tiens, je l'ai fait ça. Oui, ça par contre c'est vrai, c'est une force que je dois reconnaître à la méthode, c'est que ça te permet de visualiser que tu as réussi à accomplir quelque chose. Et ça, c'est assez valorisant finalement, parce que effectivement tu te rends compte que tu fais des choses, mais le lendemain tu as oublié que tu as fait des choses, alors que là tu le visualises, tu le C'est une supprimes. petite technique de gratitude aussi, justement. Ouais, Enfin, mais. c'est une gratitude envers soi-même, quoi, mais Et il y c'est a. quand Ah, même. je connais plus le site, je dois pouvoir le retrouver. Il y avait un site qui listait des tâches ménagères. Tu créais ton personnage et il prenait des niveaux. Je l'ai appliqué, mais très peu de temps parce que ça prenait un peu de... ça... En fait, tu. Ton perso prenait des niveaux à chaque fois que tu faisais les tâches ménagères? Ouais, donc on avait les trois personnages de la. On s'était créé chacun notre personnage. Et en fait, tu listes les trucs que tu as à faire soit quotidiennement, soit hebdomadaire, soit ponctuellement, et t'attribues des XP. Et quand quelqu'un le fait dans la maison, il y va, il clique et il gagne l'XP. Ton avatar devient plus beau. Ouais, c'est la gratification, ouais. Voilà quoi, mon fils il range sa chambre, il vient, il clique, il range sa chambre, j'ai gagné 50 XP quoi. C'était tout con comme principe. Ah, mais ça marche, ça doit fonctionner vachement bien. Surtout, je pense, avec les enfants, parce que du coup, ça transforme les trucs rébarbatifs, quotidiens. Quelque part, ça leur donne une dimension ludique qui fait que c'est moins pénible, quoi. Il y avait un peu de ça. Quant au temps que ça prend à mettre les tâches quotidiennes, ça prend un petit peu de temps. Si tu le fais régulièrement, ça prend pas tôt de temps. Au début, je m'étais dit, je vais le faire une fois par semaine ou une fois par mois, et puis j'ai un problème avec mon casque. J'y arrive pas, ça prend trop de temps en fait. Et après, il y a trop de trucs à faire. Je le fais plutôt chaque jour. Et l'idée, c'est au lieu de cliquer sur Candy Crush, je clique sur mon fichier Excel. Ça me prend autant de temps qu'une partie et j'ai fait un truc un peu plus utile, quoi. Un petit mot au sujet du temps que ça prend d'entretenir le système. Bon, je suis premier à dire que ça prend du temps. Moi, je passe plusieurs heures par semaine à entretenir le fichier. Donc Ah oui, je prends trois c'est minutes par important. jour. Par contre, mais bon, c'est parce que je suis un taré. Moi. Je vous ai prévenu. ce qui est vraiment, ce que je peux dire en tout cas, c'est que ça permet d'accomplir des complexités de projet qui me seraient pas du tout à ma portée si j'avais pas ça, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, ce qui est vraiment, je trouve quelque part le truc le plus puissant dans un GTD, c'est le fait de noter aussi les tâches qui sont en attente, que tu feras plus tard, que tu feras parce que après que telle condition comment soit arrivée, après telle date, ou tout simplement quand tu auras fini ton boulot. Ou alors y aller un jour peut-être, c'est des tâches, des trucs qu'on fera un jour peut-être, sans se fixer d'échéance. C'est que ça permet densifier tes œuvres, enfin d'une façon colossale quoi. Je vois par exemple quand j'ai dû faire la mise en page d'Inforenza, donc je m'étais fixé une trentaine de photomontages à faire et j'avais pas d'idée quoi. Je me disais mais qu'est-ce que je vais faire comme photomontage quoi? Je sais pas. Je suis allé dans mais un jour peut-être taguer Inforenza et j'avais déjà une quinzaine de pages. Qui était toute faite quoi. Il y avait des idées, en fait des idées esthétiques que j'avais eues avant, que j'avais notées, et du coup ça m'a permis de faire des photomontages qui étaient beaucoup plus aboutis que le dernier bouquin que j'avais fait quoi. Et donc la dernière chose sur la GTD, c'était pour éviter ce que j'appelle le fait d'être débordé quoi, d'avoir des listes de tâches monstrueuses et tout auxquelles on s'en sort plus, on sait pas ce qui est important, ce qui n'est pas, ce qui est prioritaire, ce qui ne l'est pas. C'est un amendement que je fais du GTD qui se base sur une méthode qui s'appelle le Personal Kanban, où en fait grosso modo tu dis ok sur ma liste de tâches je veux pas plus de je sais pas mettons 6 ou 7 tâches. Ah, moi, je me donne pas un chiffre précis, c'est plutôt à l'œil, quoi. Quelque chose. Et en fait, toutes les autres tâches qui débordent, tu les mets en attente avec le déclencheur, c'est quand je vais finir le premier lot, quoi. Et quand tu as fini le premier lot, tu revois toutes celles qui sont en attente, et puis généralement, il y en a plus que ce que tu peux mettre sur un nouveau lot, et donc tu refais un, tu en, tu en resélectionnes 6 ou 7. Pour mettre sur ton assiette de tâches à faire, quoi. C'est une bonne chose pour pas se faire des parce qu'en fait se faire des listes de tâches trop grandes, je pense que c'est la meilleure façon de se démotiver. Et je trouve qu'une liste de tâches courte, beaucoup plus motivante, pas que réalisable, qu'une liste de tâches énorme. Oui, puis tu fais des trucs en gigogne aussi. Dans GTD, c'est ce qu'ils recommandent, c'est que tu as des projets avec des sous-projets, avec des sous-projets, et dans le sous-sous-projet, il y a une liste de tâches. Ouais, bien sûr. Est-ce que vous avez des questions encore sur la GTD? Non. Non, moi je suis juste curieux de voir à quel moment tu vas abandonner pour passer à un truc plus simple. Bah en fait j'abandonnerai le jour où j'en aurai plus besoin, c'est-à-dire où le jour où je serai capable d'avoir juste une idée après l'autre et de faire les choses voilà, une chose après l'autre le plus simplement du monde. Et là je pourrais m'en passer. Mais ce qui est marrant c'est que dans mon boulot professionnel je m'en passe quasiment quoi, hein. j'ai un fichier GTD ultra light parce que en fait bon pas parce que mon boulot est simple en fait hein, c'est marrant, c'est que mon boulot de créatif est nettement plus compliqué que mon boulot salarié. Mais c'est compliqué d'être créatif. Surtout quand tu pars sur des projets solo. Bah ouais, bien sûr, ouais, surtout j'ai tendance à... Je suis pas le premier pour, je suis pas le dernier pour me lancer dans des projets pharaoniques. Mais cela dit, je te rejoins sur ce que tu disais là, sur le fait que effectivement, ça a le mérite au moins, même si on suit pas la méthode sur le long terme, hein, 100 ans, de se rendre compte qu'effectivement, on a parfois un cerveau qui est foisonnant d'idées, de projets, et parfois à l'excès, parce que quand on se rend compte du nombre de trucs qu'on a prévu de faire, on dit mais c'est pas possible, enfin je veux dire, j'y arriverai jamais. Et ça permet au moins de se dire qu'il faut lever le pied de la pédale. Et du coup, pour éventuellement les auditeurs qui auraient ce souci-là, c'est-à-dire qu'ils ont tout le temps des trucs à faire, des choses comme ça, une bonne petite méthode un peu bouddhiste, parce que comme ça, on sera deux bouddhistes avec Thomas, c'est de s'asseoir sur le canapé, la chaise, votre lit, et vous ne faites rien. Mais rien! C'est-à-dire que vous vous accordez 10 minutes ou 20 minutes, il ne s'agit pas de méditer ou quoi, juste vous faites rien. Vous avez envie de regarder l'heure, vous n'allez pas regarder l'heure, vous voulez jeter un œil à votre portable pour voir si vous avez eu un message ou je sais pas quoi, vous ne regardez pas votre portable, vous n'allez pas sur Facebook, vous ne vous penchez pas sur vos projets, etc. Et c'est un bon exercice que de se forcer à ne rien faire. Est-ce que tu te forces à ne rien penser aussi ? Alors ça, c'est la... Ne rien penser, surtout, qui est le plus difficile. Ouais, bon, je pense que ça, c'est encore le stade du dessus, quoi. C'est ce que moi, j'essaye d'expérimenter avec la méditation, si tu veux. C'est de ne pas se focaliser sur une pensée. On peut pas ne rien penser, mais on peut éviter de se focaliser. Mais au moins, ne rien faire, c'est-à-dire ne pas succomber, en fait, à la pression du... Des choses à faire est déjà un bon exercice. Je vais pas le faire longtemps, hein. 5 minutes déjà, c'est très très long, mine de rien. Rien faire du tout pendant 5 minutes, c'est très difficile. Et ça permet, je pense, de reprendre effectivement conscience de ce que veut nous dire notre cerveau, notre inconscient, etc. Ce que tu disais tout à l'heure à propos du cerveau. Ouais. Eric. Alors, ouais. Du coup, si vous voulez bien, on va passer à la synthèse, parce que là, je vois que sur mon chrono, voilà, le mec, il continue à contrôler. Et on est à 2h20, donc c'est déjà bien copieux. On avait dit qu'on commençait par Eric. Hein. Alors, je veux bien que tu me donnes une petite impulsion sur la synthèse. Ouais, tac. Alors, en fait, la synthèse, c'est... soit qu'est-ce que t'as plusieurs questions, c'est qu'est-ce que t'as retenu de ce qu'on a dit, alors, on va voir si t'as écouté, ou alors qu'est-ce que tu veux rajouter que t'as pas eu le temps de dire avant, ou alors quelle est un petit peu ta liste au Père Noël, soit pour toi, soit pour les autres, c'est-à-dire en tant que créatif, est-ce qu'on va plutôt contrôler, plutôt lâcher prise, pourquoi, pour quel... Je vais rebondir déjà là-dessus. À mon avis, il faut réussir à trouver l'équilibre. Être dans le... Je vais faire la métaphore rôliste que personne n'a faite jusqu'à maintenant. Être dans le chaos en permanence, c'est pas viable. Et puis, ça peut être le meilleur moyen de plonger dans la dépression ou le stress ou le burn-out. Se retrouver à vouloir faire trop de choses à la fois ou se lancer dans un projet sans réfléchir à fond, sans savoir où on va non plus, comme Laurie l'a expliqué au départ avec son premier jeu. Il faut réussir à prendre de la distance, il faut mettre de la loi dans son chaos. Mais à un moment, je pense qu'il faut, même quand on est un créatif outsider et qu'on a l'intention de faire, de vivre, ou en tout cas de passer son temps à 90% sur ses projets, il ne faut pas avoir peur de lâcher prise. C'est bien de mettre de l'ordre, c'est bien de réussir à discipliner son cerveau, mais il faut aussi le laisser faire. Il faut